بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ô homme, craignez votre Seigneur, qui vous créa d'un seul être, et qui, de cet être, créa son épouse, puis des deux fit se répandre hommes et femmes en très grand nombre. Et craignez Allah, au nom de qui vous vous implorez mutuellement, et craignez de rompre les liens de parenté, car Allah est là, qui vous surveille. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Et restituez aux orphelins leurs biens. Ne substituez pas au bon de leurs biens le mauvais des vôtres. Ne consommez pas leurs biens en les mélangeant aux vôtres, car c'est vraiment l'un des péchés les plus grands. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Et si vous avez peur de ne pas être juste envers les orphelins, épousez alors ce qu'il vous plaira comme femme, au nombre de deux, trois ou quatre. Mais si vous avez peur encore de ne pas être juste, alors n'en prenez qu'une seule, ou alors des esclaves en votre possession. Cela vous rapprochera d'autant plus de l'équité. Remettez aux épouses leur dot, mar, de bon cœur. Et si, de leur plein gré, elles vous en cèdent une partie, vous pourrez en jouir comme il vous plaira et à votre guise. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Et ne cédez pas aux incapables les biens qu'Allah vous a donnés comme moyen de subsistance. Prenez-en de quoi les nourrir et les vêtir et tenez-leur des propos convenables. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Et mettez à l'épreuve les orphelins pour vous assurer de leur maturité jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Alors, s'ils font preuve de maturité, vous leur remettrez leurs biens. ne profitez-en pas en les dilapidant avec empressement, avant que les orphelins ne grandissent. Que celui qui est riche s'abstienne donc d'en profiter, et que celui qui est pauvre en prenne avec modération. Et quand vous leur remettez leurs biens, faites-le devant témoin. Et Allah suffit pour tenir les comptes. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Aux héritiers mâles revient une part de ce qu'auront laissé les deux parents et les proches. Et aux femmes, de même, revient une part de ce qu'auront laissé les deux parents et les proches. Que la quantité soit petite ou grande, une part déterminée. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. Et lorsque les proches parents parmi les non-héritiers, les orphelins et les pauvres sont présents au partage, donnez-en leur et tenez-leur des propos convenables. Ceux qui seraient inquiets de laisser, après leur mort, une descendance en bas âge doivent craindre la même chose pour les orphelins à leur charge. Qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils disent donc une parole judicieuse. Ceux qui consomment, mangent, indûment les biens des orphelins ingèrent en vérité du feu jusque dans leurs entrailles. Ils seront livrés à la fournaise incandescente. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Allah vous prescrit ceci à propos de vos enfants. Aux garçons, une part égale à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles et qu'elles soient deux ou plus, il leur reviendra les deux tiers de ce qu'a laissé le défunt. S'il n'y en a qu'une, elle aura droit à la moitié. Le père et la mère du défunt, quant à eux, auront chacun le sixième de ce qu'il laisse, s'il a une progéniture. S'il n'en a pas une et que ses deux parents soient ses héritiers, sa mère aura le tiers. S'il a des frères ou des sœurs, sa mère aura le sixième, après qu'auront été exécutées les recommandations de legs et réglées les dettes. De vos parents ou de vos enfants, vous ne savez pas qui vous est plus bénéfique. C'est une prescription décrétée par Allah, et Allah est omniscient et sage. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. Mais il vous revient la moitié de ce qu'ont laissé vos épouses si elles n'ont pas d'enfants. Si elles en ont, il vous reviendra le quart de ce qu'elles auront laissé après qu'auront été exécutées les recommandations de legs et réglées les dettes. Et il leur revient, à vos épouses, le quart de ce que vous avez laissé si vous n'avez pas d'enfants. Si vous en avez, il leur reviendra le huitième de ce que vous aurez laissé après qu'auront été exécutées les recommandations de legs et réglées les dettes. Et si un homme ou une femme laisse un héritage sans avoir d'héritier direct, et qu'ils aient un frère ou une sœur, alors, à chacun de ces derniers, il revient le sixième. S'ils sont plus nombreux, ils se partageront le tiers, après qu'auront été exécutées les recommandations de legs et réglées les dettes, mais à condition que le legs ne porte préjudice à personne. Tel est l'ordre d'Allah, et Allah est omniscient et longanime. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Voilà les limites, les lois, hudud d'Allah. Ceux qui obéissent à Allah et à son messager, il les fera accéder à des jardins sous lesquels coulent les rivières, et ils séjourneront pour l'éternité. La voilà la réussite suprême. Et quiconque obéit à Allah et à son messager et outrepasse ses limites, lois, hudud, sera livré au feu, où il séjournera pour l'éternité, mais il lui sera réservé un supplice humiliant. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Quant à celles de vos femmes qui s'adonnent à la fornication, appelez quatre d'entre vous à témoigner contre elles. S'ils témoignent contre elles, retenez ces femmes dans les maisons jusqu'à ce que la mort les prenne, ou qu'Allah décrète pour elles une autre issue possible. Inna Allah kana tawwaban rahima. Si deux personnes d'entre vous la commettent, la fornication, il faudra sévir contre elles. Mais si elles se repentent et font amende honorable, vous ne devez plus les importuner. Allah est tout absoluteur et tout miséricordieux. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Allah n'accepte le repentir que de ceux qui font le mal par ignorance, puis se repentent rapidement. C'est de cela qu'Allah agrée le repentir. Et Allah est omniscient et sage. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Et le repentir n'est pas accepté de ceux qui font le mal, jusqu'à ce que la mort surprenne l'un d'eux et qui alors dit « Maintenant, je me repens ». Pas plus qu'il n'est accepté de ceux qui meurent en mécréant. Et pour cela, nous avons préparé un supplice très douloureux. « Ya ayyuha allazina amanu la yahillu lakum an تَرِثُ النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Oh, vous qui avez cru, il ne vous est pas permis d'acquérir par héritage les femmes de vos proches parents malgré elles. Et n'empêchez pas les épouses dont vous venez de divorcer de se remarier par convoitise de quelques biens que vous leur aviez offerts, à moins qu'elle ne fasse preuve d'immoralité avérée. Cohabitez convenablement avec elle. Et si vous les détestez, sachez que l'on peut parfois détester des choses où Allah a pourtant mis un bien abondant. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Si vous voulez remplacer une épouse par une autre et que vous ayez déjà donné un quintard à l'une d'elles, la première, n'en reprenez rien. Le reprendriez-vous indûment et en péchant si manifestement? وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Et comment le reprendriez-vous quand vous êtes si intimement liés l'un à l'autre et qu'elles ont pris sur vous un engagement capital? ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. N'épousez pas les femmes qu'ont déjà épousé vos pères, sauf si cela a eu lieu dans le passé. Pareille conduite est une perversion, une abjection, et quelle pratique exécrable. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Vous sont défendues vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles et vos tantes maternelles, les filles de vos frères et les filles de vos sœurs, ainsi que les mères qui vous ont allaitées, vos sœurs de lait, les mères de vos femmes, vos belles-filles élevées dans votre giron et qui sont nées de vos femmes, avec qui vous avez consommé le mariage. Mais si le mariage n'a pas été consommé avec elles, vous n'aurez pas péché en les épousant. Vous sont également défendues les femmes de vos fils issus de vos reins. Et il vous est défendu d'avoir deux sœurs comme épouses en même temps, sauf si cela a eu lieu dans le passé. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Il vous est également défendu d'épouser les femmes déjà mariées, sauf si elles sont vos captives de guerre. Tel est l'ordre qu'Allah a décrété pour vous. En dehors des interdictions que voilà, il vous est licite, disposant de biens et de moyens, de rechercher des épouses pour vous unir à elles d'une façon légitime et non en concubin. À celles dont vous jouissez dans la consommation du mariage, vous verserez une dot, mahr, obligatoire. Mais il n'aura pas de grief à vous faire si, d'un commun accord, vous vous entendez plus tard sur une éventuelle révision de la dot. Allah est certes omniscient et sage. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مسافحات ولا متخذات أخدان فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et si l'un de vous n'a pas les moyens d'épouser des femmes libres et croyantes, qu'il en épouse alors parmi vos jeunes esclaves croyantes. Allah en sait mieux sur votre foi et vous êtes tous issus les uns des autres. Épousez-les donc avec la permission des leurs et versez-leur leur dot convenable, sachant qu'elles sont chastes et vertueuses, non dépravées ou qui prennent des amants. Une fois mariées, si elles commettent l'adultère, elles subiront la moitié de la peine réservée aux femmes mariées de conditions libres. Un tel mariage est autorisé à celui qui d'entre vous craint de succomber à la tentation de la débauche. Mais il est bien meilleur pour vous de prendre patience. Et Allah est absoluteur et tout miséricordieux. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Allah veut vous éclairer, vous orienter vers les voies de ceux qui vous ont précédés et veut accepter votre repentir, car Allah est omniscient et sage. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Et Allah veut accepter votre repentir, mais ceux qui suivent leurs tentations voudraient bien que vous tendiez grandement à vous égarer. يريد الله أن يخفف عنكم. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Allah veut alléger vos charges, car l'homme a été créé faible. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Oh, vous qui avez cru, ne vous dépossédez pas de vos biens les uns les autres par des moyens déloyaux. Pratiquez plutôt un commerce licite, approuvé mutuellement. Et ne vous tuez pas, car Allah est pour vous tout miséricordieux. Et quiconque le commettra, par abus et iniquité, nous le vouerons au feu. Où il se consumera, ce qui est pour Allah chose vraiment aisée. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Si vous évitez les péchés majeurs qui vous sont défendus, nous effacerons vos méfaits et nous vous ferons accéder très dignement au paradis. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. Ne soyez pas envieux de ce par quoi Allah a favorisé certains d'entre vous par rapport aux autres. Aux hommes revient une part de ce qu'ils auront acquis comme action, et aux femmes revient une part de ce qu'elles auront acquis comme action. Et demandez à Allah ses faveurs, car Allah sait parfaitement toutes choses. جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Nous avons pour chacun établi des héritiers ayant droit à ce que laissent les deux parents et les proches. Et remettez la part qui leur revient à ceux avec qui vous vous êtes engagés par contrat. Allah est de toutes choses témoin. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Les hommes ont sur les femmes un droit de regard, de par les avantages dont Allah a favorisé ceux-ci par rapport à celles-là, et parce qu'ils sont tenus de dépenser de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes, qui protègent jalousement ce qui leur est confié par leurs maris absents grâce à la protection d'Allah. Quant à celles dont vous craignez l'indiscipline, sermonnez-les, désertez leur lit et s'il le faut, corrigez-les. Si elles vous obéissent finalement, ne tentez plus de leur nuire, car Allah est très haut et très grand. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Si vous craignez une éventuelle rupture entre les deux conjoints, envoyez un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux conjoints désirent une réconciliation, Allah rétablira leur entente, car Allah est omniscient et de toutes choses informé. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Adorez Allah et ne lui associez rien. Traitez avec bonté vos deux parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche et le voisin éloigné, le proche compagnon, le voyageur de grand chemin et ceux qui sont en votre possession. Car Allah n'aime pas celui qui est hautain et vantard. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Ils n'aiment pas non plus ceux qui sont avares, incitent à l'avarice parmi les hommes et dissimulent les faveurs qu'Allah leur a dispensées. Et pour les ingrats, nous avons préparé un supplice humiliant. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Ils n'aiment pas non plus ceux qui dépensent leurs biens par ostentation et ne croient pas en Allah ni au jour dernier. Quiconque a Satan pour compagnon inséparable, oh combien mauvais est celui qui l'a comme compagnon. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. En quoi donc peut-il leur nuire de croire en Allah et au jour dernier, et de dépenser de ce qu'Allah leur a dispensé comme bien? Allah les connaît parfaitement. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Allah ne lèse jamais personne, fût-ce du poids d'un atome. Le bienfait, il le double. Et de sa part vient la plus grande des récompenses. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Qu'en sera-t-il donc lorsque, de chaque communauté, nous ferons venir un témoin et que nous te ferons venir contre ceux-là comme témoin? يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Ce jour-là, ceux qui ont mécru et ont désobéi au messager souhaiteront disparaître sous terre, et ils ne sauront rien taire à Allah de ce qu'ils ont dit. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Ô vous qui avez cru, n'approchez point la salate alors que vous êtes ivre. Et cela jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Et non plus, quand vous êtes en état de souillure, à moins que vous ne soyez de passage. Si vous êtes malade ou en voyage, si l'un de vous vient de satisfaire ses besoins naturels, ou si vous avez eu contact avec les femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors utilisez de la terre pure. Frottez-vous-en le visage et les mains. Allah est magnanime et absoluteur. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. Que ne considères-tu pas ceux qui ont reçu une partie du livre? Ils achètent eux-mêmes l'égarement et voudraient que vous perdiez le droit chemin. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. Allah connaît le mieux vos ennemis. Allah vous suffit comme protecteur et Allah vous suffit comme allié. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Il en est qui parmi ceux qui se sont judaïsés altèrent le sens des mots en disant « Nous avons entendu et nous avons désobéi. » Et encore, « Écoute, puisses-tu ne jamais percevoir par lui, et favorise-nous par rapport aux autres. » Ra'ina, tout cela avec des torsions de langue et pour bafouer la religion. Et s'ils avaient plutôt dit « Nous avons entendu et nous avons obéi. » Écoute-nous et regarde-nous. C'eût été pour eux meilleur et plus droit. Mais Allah les a maudits pour leur mécréance, eux qui sont de peu de foi. Ya ayyuhalladhina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Oh, vous qui avez reçu le livre, croyez en ce que nous avons fait descendre en confirmation de ce que vous avez déjà reçu, avant que nous n'effacions les traits des visages et les tournions vers l'arrière. Ou que nous les maudissions, comme nous avons maudit les gens qui ont violé le sabbat. Car l'ordre d'Allah toujours s'accomplit. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Allah ne pardonne pas que lui soit associé quoi que ce soit et pardonne tout autre péché à qui il veut. Celui qui attribue à Allah des associés commet le plus grand des péchés. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. N'as-tu pas considéré ceux qui se proclament purs? Or, c'est Allah qui purifie qui il veut. Et ils ne seront point lésés, serait-ce du poids du petit fil qui recouvre le sillon d'un noyau de date, fatil. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Vois comme ils façonnent le mensonge au sujet d'Allah. Cela seul suffit comme péché flagrant. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. N'as-tu pas considéré comment ceux qui ont reçu une part du livre croient à la sorcellerie, Égypte, et aux fausses divinités? Ta route, et disent des mécréants, ceux-là sont sur un meilleur chemin que ceux qui ont cru. Ce sont eux qu'Allah a maudit, et celui qu'Allah maudit, jamais tu ne lui trouveras de soutien et d'allié. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. Aurait-il ne serait-ce qu'une part de la souveraineté qu'ils n'en donneraient rien à personne, fût-ce le point creux sur un noyau de date, Napir. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. Envie-t-il donc les gens pour les faveurs qu'Allah leur a dispensées? Mais nous avons tout aussi bien donné à la famille d'Abraham l'écriture et la sagesse, et leur avons donné un royaume immense. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Certains d'entre eux ont cru en lui, Mohammed. D'autres se sont détournés de lui. Il leur suffira de brûler dans la géhenne incandescente. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Ceux qui ont mécru en nos versets, nous les ferons brûler dans un feu où leurs peaux seront à chaque fois remplacées par d'autres, afin qu'ils goûtent le supplice. Allah est certes tout-puissant et sage. لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدَخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. Et ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, nous les ferons accéder à des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront à jamais. Ils y auront des épouses purifiées, et nous les ferons entrer sous de profonds ombrages. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. Allah vous ordonne de restituer les dépôts qui vous sont confiés à leurs ayants droit et, quand vous avez à juger entre les gens, de juger équitablement. Allah vous incite à accomplir une bien noble action. Allah est celui qui entend tout et qui voit tout. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui d'entre vous détiennent l'autorité. Et si vous tombez en désaccord à propos de quelque chose, vous le confierez à Allah et aux messagers, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Voilà qui est bien meilleur et aux conséquences plus heureuses. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir cru à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi? Ils veulent se référer au jugement des fausses divinités, ta route, quand ordre leur fut donné de mécroire en elle. Et Satan veut les mener bien loin dans l'égarement. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. Quand il leur est dit, venez donc vers ce qu'Allah a révélé et vers le messager. Tu vois les hypocrites se détourner complètement de toi. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Mais qu'en sera-t-il donc quand un mal les frappera en contrepartie des actes qu'ils auront commis de leurs propres mains? Ils viendront alors te trouver et jureront par Allah. Nous n'avons désiré rien d'autre que le bien et la bonne entente. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Cela, Allah sait ce qu'ils ont au fond de leur cœur. Alors, ne tente pas de les punir, mais sermonne-les et dis-leur discrètement des paroles persuasives. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Nous n'avons envoyé aucun messager, sinon pour qu'ils soient obéis avec la permission d'Allah. Et si, s'étant lésés eux-mêmes, ils étaient venus te trouver, pour implorer le pardon d'Allah, et que le messager ait demandé pour eux le pardon, ils auraient trouvé Allah, tout absoluteur et tout miséricordieux. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت Certes non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas demandé de juger leurs différends, qu'ils n'auront ressenti aucune gêne de ce que tu auras prononcé comme verdict, et qu'ils ne s'y seront pas entièrement soumis. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Et si nous leur avions prescrit « Tuez-vous vous-même » ou « Quittez vos demeures », très peu d'entre eux seulement l'auraient fait. Et s'ils avaient exécuté ce à quoi ils étaient incités, c'eût été certainement bien mieux pour eux et leur foi en eût été plus solide. Nous leur aurions alors accordé nous-mêmes une très grande rétribution. Et nous les aurions orientés vers une voie droite. والصالحين وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ceux qui obéissent à Allah et aux messagers seront les compagnons de ce qu'Allah a comblé de ses grâces, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Est-il donc meilleur compagnon que cela ? Telle est la faveur d'Allah, et Allah suffit comme sachant tout. Ya ayyuhal ladhina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Oh vous qui avez cru, mettez-vous sur vos gardes, allez au combat par groupe détaché ou en masse. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. Il y aura certes parmi vous celui qui traîne pour aller au combat, et qui, s'il vous arrive un malheur, dira « C'est une grâce d'Allah que je n'ai pas été présent avec eux au combat ». وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. Mais si c'est une faveur d'Allah qui vous atteint, il dira, comme si aucun lien d'affection ne l'attachait à vous, « Ah, si seulement j'avais été avec eux !» J'aurais certainement récolté un butin énorme. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Qu'ils combattent donc pour la cause d'Allah, ceux-là qui ont sacrifié la vie en ce bas monde, à la vie dans l'autre monde. Car celui qui combat pour la cause d'Allah, qu'il soit tué ou qu'il remporte la victoire, nous lui accorderons une très grande rétribution. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Et pourquoi ne combattriez-vous pas pour la cause d'Allah et pour la cause des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants qui disent « Ô Seigneur, fais-nous sortir de cette cité peuplée d'injustes, et envoie-nous de ta part un protecteur, et envoie-nous de ta part un allié. » الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Ceux qui ont cru se battent pour la cause d'Allah, et ceux qui ont mécru se battent dans la voie des fausses divinités, Tarout. Alors, battez-vous contre les suppôts de Satan, car les intrigues de Satan sont certes faibles. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. N'as-tu pas considéré ceux à qui il fut dit « Cessez de combattre, accomplissez la salate et acquittez-vous de la zakat ». Puis, une fois que le combat leur est prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se met à redouter les hommes, comme on redoute Allah, ou plus encore. Ils ont dit « Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat, si tu le reportais pour un délai proche ?» Dis « Les jouissances en ce bas monde sont de peu de poids. Mais l'autre monde est bien meilleur pour celui qui fait preuve de piété. Et vous ne serez point lésés, pas même d'un fatil. » وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous étiez dans des tours inexpugnables. Si quelque bien les atteint, ils disent « Ceci vient d'Allah ». Et si quelque mal les frappe, ils disent « Cela vient de toi ». Dis-leur alors « Tout vient d'Allah ». Mais qu'ont donc ces gens qui ne comprennent que peu de ce qui leur est dit ? ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Tout bien qui t'atteint est d'Allah. Et tout mal qui te frappe est de toi. Nous t'avons envoyé aux hommes en messager, et Allah suffit comme témoin. Celui qui obéit aux messagers a obéi à Allah. Quant à ceux qui se détournent, nous ne t'avons pas envoyé pour être leur gardien. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. Devant toi, ils disent « Nous obéissons ». Mais quand ils sortent de chez toi, certains d'entre eux passent la nuit à tramer autre chose que ce qu'ils t'ont dit. Allah écrit ce à quoi ils conspirent la nuit. Ne tente rien contre eux. Mets ta confiance en Allah, car Allah te suffira comme protecteur. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Que ne médite-t-il donc le Coran ? S'il venait d'un autre qu'Allah, il le trouverait truffé de contradictions. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Mais lorsque leur parvient une nouvelle, qu'elle soit rassurante ou alarmante, ils la répandent. S'ils la renvoyaient aux messagers et aux détenteurs de l'autorité parmi eux, ceux qui désirent tirer les choses au clair l'apprendraient de ces derniers. sans les faveurs d'Allah sur vous et sans sa miséricorde, vous auriez certainement suivi Satan, hors une minorité d'entre vous. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا. Combat donc pour la cause d'Allah. Tu n'as à assumer que ta propre responsabilité. Exhorte les croyants, peut-être Allah fera-t-il cesser les hostilités de ceux qui ont mécru. Allah est autrement plus fort quand il sévit et plus sévère quand il punit. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Quiconque intercède pour une bonne cause aura une part du bien qui en découle. Et quiconque intercède pour une mauvaise cause aura une part de responsabilité dans cette mauvaise intercession. Car Allah veille sur toute chose. Lorsqu'il vous est adressé un salut, adressez-en un meilleur ou rendez le même salut. Allah prend en compte toute chose. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. Allah, point d'autre divinité que lui. Il vous réunira inéluctablement le jour de la résurrection. Nul doute à ce sujet, et qui a parole plus véridique qu'Allah ? فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Qu'avez-vous donc à vous partager en deux clans à propos des hypocrites? Allah les a pourtant renvoyés à leur mécréance pour les mauvaises actions qu'ils ont commises. Voulez-vous donc guider ceux qu'Allah a égarés? Mais il ne se trouvera point d'issue à celui qu'Allah égare. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Ils auraient souhaité que vous mécroyiez comme ils ont mécru, car alors vous seriez pareil. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux avant qu'ils n'aient émigré dans le chemin d'Allah. S'ils se détournent, appréhendez-les et tuez-les là où vous les trouverez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni soutien. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Hormis ceux qui rejoignent un clan auquel vous liez un pacte, ou ceux qui viennent vers vous avec un serment au cœur, ne sachant pas s'ils doivent vous combattre ou bien combattre les leurs. Mais si Allah l'avait voulu, il les aurait mobilisés contre vous, et ces derniers vous auraient combattu. Alors, s'ils gardent leur distance par rapport à vous, ne vous combattent pas et vous proposent la paix, Allah ne vous laisse aucun chemin pour déclencher contre eux les hostilités. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Vous en trouverez d'autres qui souhaitent gagner votre confiance et celle de leur propre peuple. Chaque fois qu'ils sont retournés vers l'idolâtrie, ils y replongent tous. S'ils ne gardent pas leur distance par rapport à vous, ne vous proposent pas la paix et n'arrêtent pas de vous inquiéter, alors attrapez-les et tuez-les là où vous les rencontrerez. Sur cela, nous vous avons doté d'un pouvoir manifeste. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Un croyant n'a pas à tuer un autre croyant, sauf par erreur. Celui qui tue un croyant par erreur devra affranchir un esclave croyant et remettre le prix du sang à sa famille, si celle-ci ne décide pas de le céder en charité. Si le défunt est membre d'un groupe ennemi et qu'il soit croyant, vous devrez affranchir un esclave croyant. S'il est membre d'un clan auquel vous liez un pacte, vous paierez dans ce cas le prix du sang à sa famille et affranchirez un esclave croyant. Celui qui n'en a pas les moyens jeûnera 2 mois successifs en signe de repentance et de retour à Allah. Allah est omniscient et sage. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Celui qui tue délibérément un croyant aura pour punition la géhenne, où il séjournera pour l'éternité. Allah le frappera de sa colère, le maudira et lui préparera un terrible supplice. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. الله كان بما تعملون خبيرا. Ô vous qui avez cru, quand vous partez combattre pour la cause d'Allah, soyez lucides dans vos actions. Et ne dites pas à celui qui vous adresse le salut en musulman, tu n'es point croyant, uniquement parce que vous convoitez les richesses de ce bas monde. Sachez qu'auprès d'Allah se trouvent des butins en abondance. Vous-même étiez ainsi auparavant. Puis Allah vous a comblé de ses grâces. Soyez donc lucides dans vos actions, car Allah est de tout ce que vous faites informé. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Ceux des croyants qui restent en arrière, excepté les infirmes, ne sauraient égaler en mérite ceux qui luttent dans le chemin d'Allah par leur bien et leur vie. Allah a promu ceux qui luttent par leur bien et leur vie à un rang supérieur par rapport à ceux qui sont restés en arrière. Et à chacun des croyants, Allah a promis la plus belle des récompenses. Mais il a élevé les combattants à une dignité supérieure par rapport à ceux qui sont restés en arrière en leur réservant une récompense infiniment plus grande. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Il les a élevés à des rangs venant de lui. Il leur a accordé un pardon et une miséricorde, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Ceux qui se sont lésés eux-mêmes verront les anges reprendre leurs âmes en disant « En quoi étiez-vous donc ? Nous étions faibles sur terre, répondront-ils. Les anges demanderont alors « La terre d'Allah n'était-elle donc pas assez vaste pour que vous émigriez ? Ceux-là auront pour séjour la géhenne, et quel horrible sort !» إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. À l'exception des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants, incapables qu'ils sont de trouver tout seuls les issues et les voies. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. À cela, Allah accordera peut-être le pardon, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Celui qui émigre pour la cause d'Allah trouvera sur terre maint refuge et de vastes richesses. Et celui qui quitte sa demeure pour émigrer vers Allah et son messager, mais que la mort surprend en cours de route, sa récompense est assurée auprès d'Allah. Allah est certes absoluteur et tout miséricordieux. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Lorsque vous parcourez la terre, il ne vous sera pas fait grief de raccourcir la salate, si vous craignez d'être défié par ceux qui ont mécru. Les mécréants, en effet, sont pour vous un ennemi avéré. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Et lorsque tu es parmi tes troupes et que tu dois les diriger dans l'accomplissement de la salate, que certains se tiennent debout à tes côtés en tenant leurs armes. Leur prosternation achevée, ils devront passer derrière vous pour que viennent d'autres qui n'ont pas encore accompli la salate. Qu'ils l'accomplissent avec toi, en restant vigilants et en tenant leurs armes. Les mécréants aimeraient tant vous voir distraits, au point d'en oublier vos armes et vos bagages. Il vous tomberait alors dessus d'un seul coup. Il ne vous sera pas fait grief si, gêné par la pluie ou souffrant, vous déposez vos armes. Mais restez toujours vigilants. Allah a préparé aux mécréants un supplice humiliant. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Lorsque vous aurez accompli la salate, invoquez Allah, debout, assis ou étendu sur le côté. Une fois la sécurité retrouvée, accomplissez la salate, d'une façon normale, car la salate est pour les croyants une prescription déterminée dans le temps. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Ne lâchez pas pied en affrontant les ennemis. Car si vous souffrez, ils souffrent comme vous. Mais vous espérez d'Allah ce que, quant à eux, ils ne sauraient espérer. Allah est omniscient et sage. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. Nous avons fait descendre en révélation vers toi le livre de la vérité, pour que tu juges entre les hommes par les enseignements qu'Allah t'a révélés. Ne sois donc pas le défenseur des traîtres. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. Et implore pour toi le pardon d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. Et n'argumente pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah n'aime pas le traître déterminé et le pécheur obstiné. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Ils font tout pour se cacher des hommes, mais ne font rien pour se cacher d'Allah. Il est pourtant avec eux quand la nuit, ils tiennent des propos qu'ils n'agréent pas. Allah, par son savoir, cerne ce qu'ils font. Ha antum ha جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Voilà donc que vous plaidez pour eux dans ce bas monde. Mais alors, qui plaidera pour eux au jour de la résurrection? Et qui sera leur défenseur? Celui qui commet un méfait ou se lèse lui-même, puis implore le pardon, trouvera qu'Allah est absoluteur et tout miséricordieux. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Et celui qui commet un péché l'aura commis contre lui-même. Allah est omniscient et sage. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Et celui qui se rend coupable d'une faute ou d'un péché, puis en accuse un innocent, assumera une injustice et un péché flagrant. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Sans la faveur et la grâce d'Allah envers toi, un groupe d'entre eux aurait tenté de t'égarer. Mais ils ne font que s'égarer eux-mêmes et ne sauraient en rien te nuire. Allah a fait descendre en révélation sur toi le livre et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la faveur d'Allah est envers toi vraiment immense. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Il n'est aucun bien dans beaucoup de leurs secrètes conspirations, sauf à ordonner une charité, un acte de bien ou une réconciliation entre les hommes. Celui qui agit de la sorte, souhaitant la satisfaction d'Allah, nous lui accorderons une très grande récompense. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et celui qui entre en dissidence avec le messager, après que le droit chemin s'est nettement distingué pour lui, et qui suit un autre chemin que celui des croyants, nous le dirigerons vers ce qu'il s'est choisi lui-même, et le ferons brûler dans la géhenne. Et quel horrible sort! إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Allah ne pardonne pas que lui soit associé quoi que ce soit et pardonne tout autre péché à qui il veut. Et celui qui donne des associés à Allah s'est égaré, y est allé très loin dans l'égarement. Il n'invoque, en dehors de lui, que des divinités féminines, et n'invoque que Satan le rebelle. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Allah l'a maudit et Satan a dit: je m'attribuerai sûrement une partie déterminée de tes serviteurs. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. Certes, je les égarerai et les nourrirai d'illusions. Je leur donnerai des ordres et ils fendront les oreilles du bétail. Je leur donnerai des ordres et ils défigureront les créatures d'Allah. Et celui qui prend pour maître Satan plutôt qu'Allah est voué à la perdition la plus évidente. Il leur fait des promesses, les nourrit d'espoirs vains, mais Satan ne se réfère que promesses fallacieuses. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Ceux-là auront pour refuge la géhenne, et ils ne trouveront aucune issue leur permettant d'y échapper. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا. Et ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, nous les ferons accéder à des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront à jamais. Telle est la promesse d'Allah. Est-il plus véridique qu'Allah dans ses paroles ? ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. Cela ne sera dû ni à vos espérances, ni aux espérances des gens du livre. Celui qui commet un forfait en recevra la rétribution, et il ne trouvera en dehors d'Allah ni allié, ni soutien. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Et ceux qui, hommes ou femmes, accomplissent les bonnes œuvres en vrais croyants, ceux-là entreront au paradis et ne seront point lésés. Pas même d'un akir, le point creux sur un noyau de dalle. Et qui a meilleure religion que celui-là qui se soumet entièrement à Allah, tout en faisant le bien et en suivant la tradition d'Abraham, le vrai monothéiste. Car Allah avait pris Abraham pour ami proche. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. À Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Et de par son savoir, Allah cerne toutes choses. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Il t'interroge à propos des verdicts décrétés, fatwa, concernant les femmes. Dis, Allah prononce pour vous son verdict à leur sujet. À cela s'ajoute le verdict concernant ce qui vous est déjà récité dans le livre au sujet des femmes orphelines, auxquelles vous ne remettez pas ce qui leur est dû et que vous désirez épouser vous-même. Et encore le verdict concernant les mineurs sans protection. Conduisez-vous envers les orphelins avec équité, car tout ce que vous faites de bien, Allah le sait parfaitement. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Et si une femme craint de son mari qu'elle la délaisse ou la néglige, il n'y a aucun péché à ce qu'ils trouvent, tous les deux, un moyen de réconciliation. Se réconcilier est toujours meilleur, car les êtres sont enclins à l'égoïsme. Et si vous faites le bien et avez la piété, alors, Allah est de ce que vous faites informé. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Vous ne saurez être équitable avec vos femmes, même si vous vous y employez avec soin. Ne penchez donc pas entièrement vers l'une pour laisser l'autre comme suspendu. Mais si vous rétablissez de bons rapports et avez la piété, Allah alors est absoluteur et tout miséricordieux. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Mais s'ils se séparent, les deux conjoints, Allah, de par ses largesses, compensera à chacun ce qu'il aura perdu. Allah est large et sage. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. À Allah appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Nous avons recommandé à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-même, craignez Allah. Et si vous mécroyez, sachez qu'à Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Allah se passe de tout et il est digne de toute louange. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. À Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, et Allah suffit comme protecteur. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. S'il voulait, il vous réduirait à néant, ô homme, et il en ferait venir d'autres, car Allah est de cela infiniment capable. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Et quiconque veut la récompense de ce bas monde, qu'il sache que c'est auprès d'Allah que se trouve et la récompense de ce monde et celle de l'autre. Et Allah entend tout et voit tout. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Oh, vous qui avez cru, soyez juste en étant témoin conformément aux prescriptions d'Allah, quitte à témoigner contre vous-même, contre vos deux parents ou vos proches, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre, car Allah est plus apte à veiller à leurs intérêts. Ne suivez donc pas vos passions, de peur que vous ne déviiez de l'équité. Et si vous témoignez par le mensonge ou refusez de témoigner, alors Allah est, de tout ce que vous faites, informé. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Ô vous qui avez cru, croyez en Allah, au messager et au livre qu'il a révélé à son messager, et aux écritures qui ont été révélées auparavant. Et celui qui mécroit en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers et au jour dernier, s'est égaré, y est allé très loin dans l'égarement. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Ceux qui ont cru puis ont mécru, et ont cru puis ont mécru, puis ont gagné en mécréance. Jamais Allah ne leur pardonnera, ni les guidera vers un chemin droit. Annonce aux hypocrites qu'il y aura pour eux un très douloureux supplice. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Ceux-là qui prennent des mécréants pour alliés et non pas des croyants. Recherche-t-il donc auprès de la puissance ? N'est-ce pas que la puissance appartient tout à Allah ? إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Voici ce qu'il vous a déjà révélé dans le livre. Quand vous entendez rogner et moquer les versets d'Allah, ne vous asseyez pas avec ceux qui agissent de la sorte, à moins qu'ils ne se mettent à parler d'autre chose. Autrement, vous seriez à eux semblables. En vérité, Allah réunira tous ensemble dans la Géhenne les hypocrites et les mécréants. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Ce sont eux qui guettent ce qui vous arrive. S'il vous vient une victoire par la grâce d'Allah, ils disent « N'étions-nous pas avec vous ?» Mais si ce sont les mécréants qui ont eu leur part à la victoire, ils disent « Ne vous avions-nous pas sous notre tutelle ? Ne vous avions-nous pas protégés contre les croyants ?» Allah jugera entre vous au jour de la résurrection. Et aux mécréants, Allah ne donnera jamais le moyen de nuire aux croyants. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Les hypocrites cessaient à tromper Allah, mais c'est lui qui les trompe. Quand ils se lèvent pour aller à la salate, ils le font en fainéant et pour l'exhiber devant les gens. Et ils n'évoquent Allah que rarement. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Tiraillé entre deux choses, la foi et la mécréance. Il ne relève ni de ceci les croyants, ni de cela les mécréants. Mais celui qu'Allah voue à l'égarement, jamais tu ne lui trouveras de chemin. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. Ô vous qui avez cru, ne prenez donc pas pour alliés les mécréants plutôt que les croyants. Voulez-vous donc, par là, donner à Allah contre vous un argument évident ? Les hypocrites seront relégués au plus bas niveau de l'enfer. Tu n'y trouveras pour eux aucun allié pour les secourir. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Excepté ceux qui se repentent, corrigent leurs erreurs, s'attachent indéfectiblement à Allah et lui vouent un culte sincère. Ceux-là seront avec les croyants, et Allah accordera aux croyants une très grande récompense. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Qu'a donc à faire Allah de votre châtiment, si vous avez reconnu ses faveurs et si vous avez cru en lui ? Allah est reconnaissant et omniscient. « La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim, wa kana Allahu sami'an 'alima. » Allah n'aime pas que soient divulguées de mauvaises choses à propos d'autrui, à moins d'avoir été d'abord soi-même lésé. Allah entend tout et sait tout. In tubdu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Que vous montriez le bien que vous faites ou que vous le cachiez, ou bien que vous pardonniez un méfait, Allah est indulgent et omnipotent. Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Ceux qui mécroient en Allah et en ses messagers, qui veulent séparer Allah de ses messagers en disant « Nous croyons en certains et nous mécroyons en d'autres » et qui veulent se frayer un chemin entre les deux. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Ceux-là vraiment sont les mécréants. Et nous avons préparé aux mécréants un supplice humiliant. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Et ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, qui n'ont pas fait la différence entre qui que ce soit parmi eux, ceux-là il leur attribuera leur récompense. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Les gens qui ont reçu les Écritures te demandent de faire descendre en révélation sur eux un livre du ciel. Ils avaient demandé plus grave encore à Moïse, en lui disant « Montre-nous Allah en toute clarté ». La foudre s'est alors abattue sur eux pour leur impudence. Puis, après que pourtant leur furent venues les preuves évidentes, ils prirent le veau pour idole. Nous le leur pardonnâmes et donnâmes à Moïse une autorité manifeste. طور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Nous dressâmes au-dessus de leur tête le mont pour avoir leur engagement et nous leur enjoignîmes entrez par la porte prosternés et nous leur dîmes aussi ne transgressez pas le sabbat. Et nous prîmes sur eux un engagement solennel. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Si nous les avons maudits, c'est parce qu'ils ont violé leur engagement, ont mécru au signe d'Allah, ont tué injustement les prophètes et ont dit « Nos cœurs sont hermétiquement fermés ». C'est plutôt Allah qui les a scellés, leurs cœurs, pour prix de leur mécréance, car ils sont de peu de foi. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. Et parce qu'ils ont mécru et ont répandu contre Marie une ignoble calomnie. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Et parce qu'ils ont dit, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont point tué, pas plus qu'ils ne l'ont crucifié, mais ils étaient victimes d'une pure illusion. Ceux dont les avis étaient partagés à son sujet sont restés dans le doute, mais ils n'en ont aucune science et ne font que recourir aux supputations. Certainement, ils ne l'ont point tué. C'est plutôt Allah qui l'a élevé à lui. Et Allah est tout-puissant et sage. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Il n'y aura pas un parmi les gens du livre qui ne croira en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. C'est pour les injustices commises par les Juifs que nous leur avons défendu les délicieuses nourritures qui leur étaient permises. Et c'est aussi parce qu'ils avaient repoussé, loin du chemin d'Allah, des gens très nombreux. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Et parce qu'ils ont touché aux intérêts usuraires, riba, alors qu'il leur était défendu, et parce qu'ils ont mangé les biens des gens en toute injustice, nous avons préparé aux mécréants un supplice très douloureux. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Mais ceux qui parmi eux sont enracinés dans la science, ainsi que les croyants, ceux-là croient à ce qui t'a été révélé et à ce qui fut révélé avant toi, et ceux qui observent la salat, s'acquittent de la zakat et croient en Allah et au jour dernier. Cela, nous leur accorderons une très grande récompense. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Nous t'avons inspiré des révélations comme nous les avons inspirées à Noé et aux prophètes après lui. Nous les avons inspirées à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux 12 tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron, à Salomon, et nous avons donné les psaumes à David. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. Il est des messagers dont nous t'avons fait le récit et d'autres dont nous ne t'avons pas fait le récit, et Allah a parlé de vive voix à Moïse. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Des messagers qui devaient annoncer et avertir, afin que, après leur venue, il n'y ait pas pour les hommes un argument contre Allah, car Allah est tout puissant. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Mais Allah témoigne de ce qu'il t'a révélé, car il l'a révélé en le sachant. Les anges aussi en témoigne, et Allah suffit comme témoin. Inna alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida. Ceux qui ont mécru, dressant des obstacles devant le chemin d'Allah, sont allés loin dans l'égarement. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. Ceux qui ont mécru et ont commis des injustices, Allah ne saurait leur pardonner ni les guider vers le droit chemin. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Sauf s'il s'agit du chemin de la géhenne, où ils séjourneront à tout jamais. Cela est pour Allah extrêmement aisé. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Ô homme, le messager vous apporte la vérité de la part de votre Seigneur. Croyez en lui pour votre bien. Et si vous mécroyez, sachez qu'à Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Allah est omniscient et sage. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haqq. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Ô gens du livre, ne soyez pas excessifs dans votre religion. Ne dites au sujet d'Allah que ce qui est vrai. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est que le messager d'Allah. Sa parole qu'il lança vers Marie est un esprit insufflé de sa part. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites point Trinité. Cessez donc de le dire, car cela est mieux pour vous. Allah est bien un Dieu unique, qu'il y a loin de sa gloire et le fait d'avoir un fils. À lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, et Allah suffit comme protecteur. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Jamais le Messie n'a eu de honte à être le serviteur d'Allah, pas plus que les anges rapprochés. Ceux qui sont beaucoup trop fiers pour l'adorer et beaucoup trop hautains, ceux-là, il les ramènera tous à lui en foule. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, il leur accordera leurs entières rétributions et y ajoutera un supplément de sa faveur. Quant à ceux qui ont été beaucoup trop fiers et hautains, il les soumettra à un horrible supplice. Ceux-là ne trouveront, en dehors d'Allah, aucun allié ni soutien. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Ô homme, il vous est venu une preuve de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Ceux qui ont cru en Allah et se sont attachés fortement à lui, il les accueillera dans une miséricorde et dans une faveur venue de lui, et il les dirigera vers une voie droite. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Il t'interroge à propos de ce qui a été décrété comme verdict, fatwa. Dis, Allah prononce le verdict que voici à propos de Al-Kalala, c'est-à-dire sur le cas du défunt qui n'a ni géniteur ni progéniture. Si un homme vient à mourir sans laisser d'enfant, mais qu'il ait une sœur, celle-ci aura la moitié de ce qu'il laisse. Et lui hérite d'elle la totalité de ce qu'elle laisse, si elle vient à mourir et qu'elle n'ait pas d'enfant. Si elles sont deux sœurs ou plus, elles hériteront les deux tiers de ce que le défunt a laissé. Si ce dernier laisse des frères et des sœurs, alors chaque frère aura la part de deux sœurs. Allah vous explique dans l'intimité du détail pour vous épargner l'égarement. Et Allah est omniscient.